Monsieur Gagné, s'il vous plaît, vous êtes demandé ici parce que vous avez... Arrêtez-vous, Monsieur Gagné, s'il vous plaît. Oui, alors vous êtes aux douanes Oui, bonjour. Bon, monsieur, vous êtes aux douanes Je suis... Où suis-je? C'est ça que je savais te dire. Vous êtes aux douanes de la rue Duchesse, sont-elles pêches ou arcidèches? Qu'est-ce que vous dites là? Vous êtes où ici? À l'aéroport de Québec. Oui, à la connerie suprême. Ben c'est des douanes! C'est des douanes, c'est mon frère monsieur! C'est des douanes, vous êtes au Québec, vous êtes pas à Paris! Non, à Paris, là, je passe comme du beurre dans la poêle. Ben c'est ça, maintenant mettez-vous à poil, on va vous examiner, vous avez l'air louche, monsieur Gagné. Mon cher monsieur, écoutez, je ne suis qu'Aral Gagné, l'animateur de radio. Oh les gars, arrête, on comprend pas, vous êtes sans doute en état de choc. Oui, mais là, parce que... est-ce que... Oui, vous avez le droit à toute complicité avec les artistes que vous avez rencontrés à Paris. Oh... Alors, est-ce qu'il y a une Française? Il y a Diane Pell. Diane Pell! On va appeler Diane Pell. Avez-vous le numéro de Diane Pell? Parce que, savez-vous, premièrement, êtes-vous conscient? Oui. Ben, vous hésitez. Ben, vous déjà, hein? Ben, ouais, ben ici, vous êtes au bois. Vous êtes au... Vous êtes ici, là! Ben oui, mais où ça, ici? Ben, il est en plein milieu d'une zone où on analyse le genre humain. Si vous arrivez d'un autre pays, on va vous regarder de partout, mon gars. En arrière, en dessous, en arrière, en dessous, le petit lapin, poil-poil partout. Vous avez pas un maudit poil! Et ma tête? Ah, ben là, votre tête est remplie de... D'eau? Est remplie d'eau, mon cher monsieur Grenier. Pas Grenier, Gagné. Gagné, ah, attendez, votre... passez-moi votre masse-mort. Qui? Votre masse-mort. Masse-mort. Non, elle est restée pris aux douanes en Belgique. Ah! C'est pas vrai, Mosmor est... Oui, la grande chanteuse Mosmor. Oh, celle qui chante Mosmor, Mosmor, Mosmor, under the pea, under the free, San Francisco. Mosmor, Mosmor, Mosmor. Comment ça, ils l'ont coincée aux douanes? Elle avait l'air louche. Comment ça? Elle se tenait avec un manouche. Ben, c'est moi le manouche, c'est Renald Gagné! Renald Grenier. Pas Grenier, Gagné! J'ai un GMX, ça t'aigu! Il me semble que vous avez l'accent trop pigu. Ben, trop pigu, pigu, pigu, pigu, est-elle pigu, elle? Oh, la cochon. Ben oui, la colle, la. Et la grenouille! La grenouille et la cochonne. D'après Jean de la Bombaine. Oh, mon dieu. C'est elle qui était sur l'arbre perché. Non, ça c'est le corbeau, c'est une autre histoire. Là, je suis coincé au bois, j'ai une émission assez elle. Qui êtes-vous, M. Gagné? Ben, je suis un animateur de radio. Oui. Votre nom? Ben, vous venez de me nommer, Renald Gagné, c'est moi, là! C'est vous. C'est moi, Renald Gagné. Il me semble que vous avez changé de voix. Ah, je change de voix comme un... Je suis comme moi. Premièrement, je me sens actuellement comme un ministre. C'est-à-dire? Je change de vêtements comme il me semble. Oh! Donc, vous êtes comme... Je suis comme... Comme j'ai toujours envie de changer. J'ai toujours envie de défranchir les lois. Au moins, je m'aime. Au moins, tu t'aimes! Oui, oui. Quoique. Quoique, là, au bois, vous dites que vous n'avez rien à vous reprocher. Ben... Ouais, voilà. Mais déjà là, quand vous avez rien à vous reprocher, vous avez tout à vous reprocher. La guerre en Afghanistan, la guerre! Ouais. En avez-vous, êtes-vous la cause de toutes les guerres? Un peu. Pourquoi? Ben dans ma vie, hein, j'ai... hier, j'étais à Place de la Bastille. Pas à Paris! À Paris. Ben vous êtes arrivé quand à Québec? Quelques heures. Pas quelques heures, vous étiez coincé? Entre la Bastille et les douanes. Oh, oh, oh! Ils m'ont fait le toucher rénal. Oh là là, est-ce qu'on a trouvé quelque chose? Oh oui, monsieur. C'était quelle couleur? Monsieur le Président, monsieur les pas trop cathodiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents, croyez-moi, ils ont trouvé un rénal passablement suintant. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne, et je nous ai dépêché des belles entrevues pour vous. Et entre nous, à l'automne, hiver 2010-2011, vous entendrez. Oui. Qu'est-ce que t'allais dire? J'ai rien dit. Ben dis-le, dis-le, expulse! J'expulse maintenant. Jean-Claude Dreyfus. Jean-Claude Dreyfus nous a chanté deux chansons. Ben quand tu chantes, c'est quoi? Moi, quand je chante, je ne suis qu'un pauvre divulgateur de mélodies. Oh! Et maintenant? Et maintenant? Que vais-je faire de tous ces enregistrements? Que devient ma vie? Tu seras un zéro! Oh, pendant toute ma vie, j'ai rêvé d'être un zéro parce que c'est très bon pour la... Pour les dames, premièrement, parce qu'elles sont sveltes. Hein? Lorsque tu rencontres une artiste ou une chanteuse ou une créatrice, ou même une femme en général, toi, tu commandes toujours ce qui est... Hein? Madame, moi, je vais vous prendre une bière en flux. En flux, ben en flux, en flux, en flux. Oh, vous voulez dire en fontaine? Brigitte est là, Brigitte, Brigitte, où tu es, Brigitte? Brigitte qui? Ben Brigitte Fontaine! Ah non, non, non, non, mais c'est pas cette Brigitte-là, hein? C'est sous pression. Ah ben, moi, j'ai... Ma vie a été sous pression depuis ma naissance, hein? Quand ils m'ont expulsé, ils m'ont dit « Ouais, sors! Sors, t'es capable! » Je me suis rendu compte que j'étais pas capable. Puis là, maintenant, ben maintenant, je me rends compte. Tu te rends compte de quoi? De rien. Ben, ben c'est bon, t'es comme la majorité des humains! T'allais dire quoi? Oh, j'allais dire encore, j'allais descendre mon peuple, mais j'ai dit, on va le remonter. Peuple à genoux, amène le générique, la mère. Je crois que les gens n'aiment pas le son, même le son de leur propre voix, ils l'aiment pas. À la radio, on peut encore rire un peu, à la télé, c'est plus... Ils n'aiment pas l'histoire, ils n'aiment pas leur histoire. Par contre, ils aiment raconter ou entendre des histoires au sens où on dit soit raconte-moi une histoire, soit arrête de raconter des histoires. Et l'histoire n'intéresse pas. Le son n'intéresse pas en tant que son. Je sais plus où je suis des fois. Des fois je dis merde, il y a des gens qui sont là, faut quand même que je fasse que... Non, je suis ailleurs. C'est bien. C'est... Ils doivent partir avec moi, c'est ça mon rêve, qu'ils partent avec moi. Et... On est ailleurs, on oublie tout. Et... On nous donne des haut-parleurs qui rejoignent des milliers, des millions de personnes. C'est une chance et un privilège que d'autres n'ont pas. Il faut que les chevaux sauvages de l'inspiration puissent tout détruire. Tout détruire ce qu'on sait, toute sa culture classique. Il faut que ça détruise tout, puis que l'imagination, cette folle du logis, puisse jouer sa partie. Les amis, et rigoler, quand on peut, il faut rigoler, faut rire. Je vous embrasse. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires, un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. Antonin Artaud. Aujourd'hui, le samedi 10 juillet 2010, je me suis calmé, hein. Comment ça, tu te calmes comme ça? Ben, c'est parce que je me suis comme... Arrêtez-vous que j'ai gagné, s'il vous plaît. Ben, je me suis arrêté, là. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai fait un arrêt sur image? Ouais, on voit bien l'horreur de l'image, mais l'arrêt, ben l'arrêt de mes cheveux! Oh, votre arrêt! Mon arrêt! Oh, 25 ans d'arrêt entre vous et moi! Oh, 25 ans d'arrêt, ça ne s'oublie pas comme un premier... T'es encore sur Michel, toi? Non. J'ai jamais été sur Michel, moi. Michel, la belle, sont des mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble. Mais Michel Label, de plus en plus, les labels, c'est-à-dire les étiquettes de disques, sont Internet. Tu viens de comprendre ça? Non, j'ai rien compris de la vie, moi. Moi, jusqu'à la fin, là, je scruterai. Je scruterai. Et que scruteras-tu? Je scruterai l'horizon. Oh! Veux-tu oublier le mot scruter? Pourquoi? Parce que t'allais bifurquer. Oh oui, mais c'est vrai que scruter, hein. Oh! On scrute pas toute notre vie. Non, on scrute pas toute notre vie. Qu'est-ce qu'on scrute? Mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'horizon. Ok, continue! Ok. Aujourd'hui, le samedi, merci monsieur. De rien! Je t'aide! Ouais. M'aider, c'est me nuire, comme je le dis souvent. Oh, dans ton cas? Non, dans tous les cas. Quand t'as quelqu'un en arrière, je vais t'aider un peu, là, m'a traduire. Traduis-moi pas, tu vas me taïr, toi là. I speak French, I not speak English, Colin. Hey, Québec City and Québec francophone! Là, tout le monde, hein, quand tu dis « Oh, Québec, Canada... » Non. Québec, Québec. Dans les dortoirs, parce que j'ai vécu dans des dortoirs pendant 11 jours pour vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Pour sentir la transpiration mondiale. Échappée! Hey, je prenais une douche au lever, une douche au coucher. Hey, moi, quand je frotte, là, je frotte. Plus comme le serpent, je veux que l'autre peau pousse. Qu'est-ce que je veux dire? L'autre peau, la première se retire et l'autre revienne. Ben, mais là, ça se régénère pas comme ça de la peau. Mais attention, là. Cette semaine, sur France Inter, on nous a dit qu'il y a eu, en France, la première greffe de face du visage. Non. Le médecin a voulu dire de face parce que... Il était de face, là, mais... Hey, laisse-moi m'expliquer. Imagine-toi qu'ils ont recollé des... Ils ont fait des paupières. Les larmes lacrinales. C'est pas vrai. Ils vont pleurer quand ils vont t'écouter. Toujours. Ça, c'est juste quand ils vont dire rénal. Oh, c'est pas vrai. C'est pas quand ça... Il existe pas encore. les glandes vont s'agiter. Dans les tuyaux lacrymaux. Et puis donc, ça a été la première greffe faciale en France. En mon nom, là. En ton nom. En mon nom. Enfin, c'était la première greffe. Et puis donc, qu'est-ce qu'on dit? Ben, les errances rénadiennes présentent plus de routes pour nous et entre nous. Là, il y a des gens très sérieux, là, de la gauche, qui étaient plongés dans leurs devoirs. Ils se sont dit... Mais ce mec-là a raison, là. Il y a une greffe faciale, là. Il ne dit pas que des conneries, là. Mais non. Il dit certaines rénalités. Ben, c'est ma rénalité, mais c'est pas la réalité. Mais effectivement, dans la réalité, il y a eu... Je crois que ça s'est fait à la fin juin. Une greffe faciale. Et ils ont voulu le dire une fois qu'elle a été... Oh, maman, viens, vous pouvez m'en parler à la radio. Oui, mais il me semble qu'il n'y a pas d'élasticité. Il va en avoir. Êtes-vous certain? Ben, j'irai vivre au Québec. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ne comprendront pas en France si je parle comme ça. Oui, au Québec. Au Québec, on comprend tous les langages. Lesquels? Ben, les langages de signes. C'est-à-dire? Lorsque quelqu'un se tord, qu'est-ce que tu as veut-il dire? Qu'il veut aller aux toilettes. Eh ben voilà! Si quelqu'un pleure, qu'est-ce que t'en veux-tu dire? Qu'il est triste ou heureux? Eh ben voilà! Si quelqu'un te présente un doigt et ce n'est pas lequel, qu'est-ce que ça veut-il dire? Arrête, sinon les coups vont arriver. Exactement! Aujourd'hui, le samedi 10 juillet 2010, l'errance des errances canadiennes présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Nous sommes déjà en retard. On est en retard. Eh, c'est pas vrai, Raymond? Ah oui! On est en retard. On est en retard, mon Raymond? Ah oui! On est en retard. Pas jusqu'au bord. On est en retard, en retard, en retard. Pas juste autour, mais même au bord. On est en retard, en retard, en retard. Arrête, arrête, arrête, arrête, arrête de continuer, puis arrête, arrête d'arrêter. On arrête d'arrêter ici au Québec. Et c'est bien. Partout. Partout, sauf en Belgique. On arrête aussi d'arrêter en Belgique. Belgique, Québec, même univers, même planète. Elle est belle ta planète. Merci beaucoup. Alors, les errances renadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Les gens vont se dire, il se rendra jamais jusqu'à 22h, il va dépasser. Je trépasserai, mais je ne dépasserai pas. Présenterai plusieurs routes pour nous et entre nous, laissant sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au sous-boulot, confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. On comprend pas! Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Nous placerons cette semaine, sous les projecteurs, le chanteur Charles Evans Renaden, et j'ai voulu faire un retour relax, là. Relax, est-ce que c'est dans le dictionnaire? Malheureusement, je devrais pas utiliser relax. Je voulais commencer lentement, d'une manière suave, avec mon oncle Serge. Mon oncle Serge, c'est pas suave, il va te cracher toutes ses injures! Injures un jour se dissiperont, comme un vol lutte gitane. C'est de qui ça? Je connais pas tes classiques. Comment? Volutes un jour se dissiperont, comme volutes gitanes. Ah, ça c'est Serge Gainsbourg! Serge Gainsbourg, exactement. Bref, apaisons le décalage. C'est mon oncle Serge! Mon oncle Serge, de son vrai nom, Serge Robert. Déjà là, il est handicapé. Serge Robert. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas devenir un artiste, je m'appelle Serge Robert. Je m'appelle pas Robert Gillet, je m'appelle Serge Robert. Je m'appelle pas Serge Reggiani, je m'appelle Serge Robert. Je m'appelle pas Sergio Leone, je m'appelle Serge Robert. Là, il s'est pris en main, puis il s'est dit, je vais tourner la réalité, je vais devenir un chanteur anarchique. Révolutionnaire auprès d'un peuple québécois qui sommeille. Moi, il est réveillé, moi, tous les morons. Donc, mon oncle Serge, de son vrai nom, Serge Robert, est un chanteur québécois né en 1970. Il est plus jeune que moi. À la ville... j'ai 33 ans, moi, là. On va me crucifier, mais j'ai 33 ans, jamais mon passeport. Raymond, ouais, mais moi, j'ai plus ton passeport, moi. Où t'as mis mon passeport? Il est tard pour ton passeport. Mais non, qu'est-ce que t'as fait avec? Mais là, si t'as voulu aller à la radio, j'ai dû le conseiller de regarder ton passeport. Oh mon Dieu, toutes mes photos la porno. Oh non, ils vont. Je finirai jamais l'émission à 22h, la police va arriver! Alors, donc, il est reconnu pour avoir été le bassiste du groupe Les Colocs. Mais là, on va oublier toute sa biographie, mais. Pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour d'une œuvre de Gilles Carle, Les Corps Célestes. Maintenant, laissons la chance aux chansons et surtout, attendons la montée improvisatrice. C'est déjà monté! On sait que c'est monté. Ah oui, c'est très bien monté. Je ne veux pas me vanter, mais c'est bien monté. Arrête d'être monté puis vente! Oui, je ventile. Et premièrement, là, êtes-vous en train de... Si vous dites qu'il fait chaud, vous n'êtes jamais allé à Paris... Moi, je reviens d'une canicule! Ça n'a rien à voir avec ici. Ici, là, tu te montes les aisselles, il y a un petit vent. Oh, c'est humide, mais au moins, il y a du vent. Là-bas, il n'y en a pas de vent. Il y a la tour Eiffel qui vous arrête. Il y a l'arc de Mimont, l'arc de l'arc. Puis elle triomphe plus, l'arc. Elle a chaud, vas-y, vas-tu faire froid? Jamais. La couche de roson, là, juste mourir, là, est plus drôle. Arrêtez la couche d'ozon, de roson. Ça fait plus rire personne, la sueur. Mais ça fait rire personne quand les enfants sont grands. J'avais une terre à Saint-Agathe où je faisais pousser des patates. J'avais une vache d'un pâturage qui me donnait du bon fromage. Fait que j'ai monté sur ma moto, j'ai roulé jusqu'au Provigo. Me suis acheté de la sauce en canne, puis je montais sur ma bécane en chantant. Oh, c'est bon les patates, c'est bon. Dans le bedon, bon comme Buffalo Bill qui vise dans le mille, bon bon, il y a pas son maison. Avec des petites crottes de fromage, ça descend dans ton œsophage. Arrosé de sauce barbecue, c'est doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux dans l'estomac. C'est bon les patates. En sortant de State Bruce Springsteen, MS Italian Poutine. Pendant le carême, le pape Jean-Paul. On mange en cachette un grand bol. Comme au général Pinochet, qui nous dit qu'on en rappelait. Après une journée de torture, il est fait sentir la friture en chantant. Oh, c'est bon les patates, c'est bon dedans le bedon. Bon comme quand le bourreau sort son marteau, toc toc. Sont larron, quand les patates sont adipeuses et la sauce en canne sirupeuse, quel que soit le goût du fromage, le bonheur sera du voyage. Croyez-moi, c'est bon les patates. Oh! C'est bon, tout dans le bedon. Oh, comme quand la sagouine sort son égouine. Zouin, zouin, pique à cinq son cochon. Amis, foncez donc pour une fois de mon cœur la victoire au bras. Et rendons-nous dans la cuisine, éplucher des bonnes patates pour une poutine. C'est bon les patates. C'est bon les patates. C'est bon les patates. Hey, on était hot les gars. Ouais. Vous connaissez cette parole des Esquimaux ? Celui qui ferme les yeux durant l'été ne voit rien durant l'hiver ? Non. Eh bien, moi, je ne fermerai pas les yeux, monsieur. Quand 6 ou 7 jeunes femmes arrivent en ville, je suis même porté à les ouvrir. Ne comptez pas sur ma collaboration. Monsieur le curé, vous êtes méfiant, vous avez raison. À votre place, je serais méfiant, moi aussi. C'est pourquoi j'ai amené avec moi une de ces malheureuses, Rosemary. Je lui ai dit, monsieur le curé voudra sûrement juger par lui-même de son innocence, de sa pureté. Elle veut se confesser. Dans le secret du confessionnal, vous la trouverez irréprochable. Rosemary, monsieur le curé. Bonjour, monsieur le curé. Suivez-moi, mon enfant. Ouais, suis, monsieur le curé. Au revoir. Vas-y. Un joli costume, mademoiselle. Toi, t'as des beaux cheveux. Allons-y, mes petites filles. Je vous écoute. Quel péché avez-vous commis ? Tous. Tous ? Tous les péchés possibles, imaginables. Non, mais soyez plus précise, mon enfant. Le péché d'impureté, par exemple. Oui. Seul ou avec d'autres ? Seul et avec d'autres. Seul... Combien de fois, mon enfant ? Une centaine de fois. Soyez plus précise, mon enfant. 103 fois. 103 fois, oui. Et avec d'autres ? 67 fois. 67 fois. Avec des hommes ou avec des personnes du même sexe ? Les deux, moitié-moitié. Ah. Et combien de meurtres, mon enfant ? De meurtre ? Oui. Oui, le meurtre, c'est très important. Il y a aussi l'orgueil, l'envie. Hein? Rosemary, pourquoi ces mensonges sacrilèges ? Hein? Vous voulez vous venger de lui ? Parce qu'en ce moment, il se sert de vous, n'est-ce pas ? Oui. Alors écoutez, vous allez faire une bonne confession. Et après, je sortirai... Et je ferai une bonne colère, d'accord ? Oui, oui. De dire ce que vous avez envie de dire. Et puis c'est vrai que le 10 juillet 2010, aujourd'hui, c'est la fête de M. Marcel Azola, celui qui fait dire à Jacques Brel, « Allez, chauffe la salle, chauffe la... Ah, c'est toujours bien! » c'est lui. Qui télécharge mes émissions, la Gestapo, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états. Sais-tu qu'on n'a même pas commencé des improvisations, hein? Ben oui. Depuis le début, là, mais c'est vrai qu'on n'a pas pris de circuit déjà intégré de l'émission. Ah, mais là, prenons-le! Le quoi? Le circuit! OK. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Comment tu peux introduire Charles Bukowski? T'as même pas la phrase, t'as rien! C'est vrai, j'ai oublié le truc là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Bonne question, là. On reporte ce numéro à plus tard. Je me sens très certain. Très certain de l'approximativité de mon émission. Cette semaine, et ce... Parce que durant la prochaine pièce musicale, j'irai chercher Charles. Charles, où es-tu, mon Charles? Ben, moi, j'ai commandé ma dernière... Quoi, ta dernière copine? Ma dernière momine? Non, pas la momine! Pas la momine, la copine. La momine à la copine, la copine à la tapine, la robine à la popine, la momine à la robine, la copine sans la robine. La copine sans la robine, la copine sans la robine, la robine à la momine, la la lima, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la momine, la Ça, c'est quoi? C'est une approximation de Gilles Minot. Oh mon dieu, Gilles Minot, il mine. Il mine maintenant. Tu ne voulais pas me parler, et il mine maintenant. Mine comme les mineurs. Les mineurs, les gens de Minimani moins. Bon, OK. Cette semaine, je comprends. Les gens ne comprennent absolument rien. Mais, n'est-moi les Naniel. OK. N'est Naniel, n'est le Normand, au moins le Nimu de Nanamar. Oui. Vous êtes monsieur Nanimanimo. Monsieur Nanimanimo. Comment ça va? Non, Nanimanimo. Oui, monsieur Nanimanimo. Non, Nanimanimo. Je crois que notre public s'en balance, là. Nanimanimo. Vous croyez qu'il se balance pas de votre nom? Non, Nanimanimo. Parce que je le prononce mal. Vous êtes un imanina, non. Vous pompez, là. OK. Alors, on va attendre. Allez-vous dépomper bientôt? Oh, avant 22h. Non, je ne suis pas certain. Restez là-dessus. OK? Couchez-vous dans le coin. Oh, c'est ça. Faites comme un vieux moteur de Volkswagen ou de Ford ou de... OK, dans n'importe quel bolide, je connais absolument rien des bolides, mais restez... Cette semaine, est-ce que vous l'entendez encore murmurer? Il roule encore. Allez-vous rouler longtemps? Vous êtes capable. Vous êtes capable, complètement capable, lorsque je vous vois dans ce coin, me laisser seul avec votre... Je me sens complètement capable, vous m'entendez? Je suis capable. Cette semaine, et ce, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci. Pour observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, la fin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Rivalité! Rivalité! Rivalité! Ouf. J'aime pas ça, ce mot-là. Rivalité! Non. Peut-être réalité. Réalité! OK, réalité. Est-ce que réalité... Adjugé! Non, mais est-ce que le mot réalité a été devant tout le monde ici, là? Nous sommes 15 personnes en avant de la vitrine. Est-ce que ça fonctionne? Voulez-vous que... Adjugé! Comment? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Allô? Adjugé! OK. Adjugé! On vous comprend pas très bien, là, mais vous voulez dire que... OK. C'est adjugé. Adjugé pour ce mot qu'on s'en souvient. Est-ce que tu t'en... Raymond, arrête de brasser. Ben oui, je remplace Mme Trudeau. Comment ça? Mme Trudeau m'a dit qu'elle avait plus le bras. Plus le bras pour brasser sa sauce à spaghetti. Oh, mon Dieu. Et quand t'as plus le bras, t'as plus le contrôle. Le contrôle de quoi? Le contrôle du bras. OK, ben après ça, de ta vie, c'est de plus en plus difficile. Hein? Le bras, la vie, ça va avec. Hein? Quand tu tournes plus, tu roules plus. Quand tu ne roules plus, tu ne vois plus. Quand tu ne vois plus, tu ne sais plus. Quand tu ne sais plus où je suis perdu. Fais comme l'oiseau. La vie est pure et l'eau fraîche. Il n'y a plus d'eau pure, premièrement. Mon petit oiseau, quand tu vas aller dans le bocal, là, dans le trou d'eau, là, surtout un trou d'eau, c'est pas un ancien premier ministre, pas dans ce trou d'eau-là, c'est un ancien premier ministre fédéral! Tu vas retourner les cassettes dans... Non, non. Excuse-moi, je suis un oiseau, là. Ah, vous êtes un oiseau rare. Ouais, ben moi, les oiseaux rares, j'en rencontre régulièrement. Alors donc, nomme-toi, l'oiseau rare de quel endroit? L'oiseau rare de Paris. Oh, mon Dieu. Hey, il y a un oiseau qui a passé les douanes. Oh, lolo. Doit-on estimer un oiseau? Es-tu vraiment de Paris? Diane-t-elle, est-elle de Paris? Non. Et voilà, je suis l'oiseau de Paris. c'est un canumard. Un canumard, oui. Alors donc, ben c'est ça, je te dis que Trudeau, c'est effectivement, hein, il y a un Trudeau, il y a Paris, il y a l'eau, il y a Québec, il faut pas boire surtout les Trudeaux. Pierre Elliott, là-dedans, là, c'est plus qu'un Trudeau, hein, c'est une mare, pas une mare à canard, ben là, c'est la danse des calmars. Est-ce qu'on va faire la danse des calmars? Non, personne veut entendre ce soir la danse des calmars, parce qu'on est déjà trop tard. Quoique la danse de calmar, là, ça t'entre dans le corps et ça te sort de la poitrine. Mais moi, quand j'entre dans premièrement, là, quand j'appelle pour le poulet, quoi, t'appelles des poulets, toi, oui. Police! J'aimerais avoir, j'habite au 405, 3e avenue, c'est quoi, réel? J'aimerais avoir une police avec des frites et puis une petite sauce brune. Non, c'est pas ce poulet, là, non! C'est pas ça qu'il faut que tu dises, là! Tu dis une poitrine, pas une police, sinon la vraie police va arriver. Oh. Parce que police, poulet, ben ça parle, c'est pas la même. Hey, là, on est mis dans le trouble, on va se faire arrêter, l'ambulance va arriver, ils vont nous embarquer, c'est la fin du monde, c'est une anarchie radiophonique. C'est ça ton émission? Ouais, c'est ça. Hey, moi, premièrement, là, mon petit gars, là, je veux t'expliquer un truc. Puis on n'a pas le temps, est-ce qu'on peut le prendre? Je sais pas, mais j'étais au spectacle des Stooges à l'Olympia mercredi. À l'Olympia de Paris, les Stooges. Pas vrai! Qu'est-ce que t'as fait? J'ai un exemple ici, là, dans... Ah, c'est pas vrai, tu vas pas entendre... Oui, je vais vous faire entendre ça si j'ai le temps. Peut-être après la pièce musicale ou maintenant. Attendez, est-ce que c'est plus facile de... C'est jamais facile dans ton cas, ça c'est vrai. Mais jeux, médias, vidéo, OK. Mes vidéos, puis on va prendre comme ça au hasard, OK? Alors donc, c'était Iggy Pop à l'Olympia de Paris. Mercredi. Là, les gens entendent absolument rien, c'est de la friture. Ben ouais, écoutez déjà là, non? Ouais, j'ai pas ça, les banques! Où le centre-ville plein de rois, c'est l'eau qui traîne en marche de toutes les lois, surtout celle de l'hygiène. On les voit errer comme des revenants dans les stations de métro, puis les terrains vacants. À mes choses, souvent, j'en vois paraître. Avec leur crête de bien-être à tête, ils se ramassent en avant, pis ils poussent tout le monde. Ils parlent pompillon, personne n'est la ronde. Ils disent qu'ils comptent leur dit. Elle pense que ce soit le skunk. C'est donc à moi que les torques. J'fais pas Charles Bronk. J'fais pas Charles Bronk. Quand laissez-vous m'aider. Non. Il reste à Neuville. C'est un contre des champs, pas un contre des villes. Un jour, il revenait de cueillir cette herbe suspecte qui lui fait redouter la sûreté du Québec. Évidemment, Médé n'avait pas pris de douche. Et tout autour de lui voltaient des mouches. Je lui ai fait remarquer avec un max de tact que son odeur fait le cœur en tabarnak. Alors, en bon calice, il m'a répondu: arrête donc de dire que je pue. Je pue pas Charles Park. Je pue pas Charles Park. Je pue pas Charles Park. Check-moi la pochette qui sort des toilettes. J'sais pas que c'est qu'à faire, ben tabarnak t'es fait. C'est qu'ils prennent les pochettes. J'sais pas quel ancien du junk. Ils sont crasseux ou frostés. C'est qu'elle ravage et ville plein de rats, c'est là qui traîne en marge de toutes les lois, surtout celle de l'hygiène. Check les grouillés, gargouillés, miséreux, avec le joyau des fils et les villages, j'ai gagné les punks. J'peux pas sale punk. Oh, j'peux pas sale punk. Oh, j'peux pas sale punk. Ouais, j'en passe à les punks. Il y a un autre proverbe esquimau qui dit: celui qui envoie sa femme à la pêche donne du poisson à ses ennemis. Rosemary? Rosemary? Je t'invite à dîner. Il y a des années que je n'ai pas éprouvé un sentiment aussi doux, aussi romantique. Si vos épouses vous entendez. Mes épouses? Pété, quêté. Pas gentil de les avoir abandonnées. Elles ont eu beaucoup de peine. Je sais, je le sais. Mais la première fois que je t'ai vu, j'ai compris tout de suite que je pourrais plus jamais vivre sans toi. Vous les avez abandonnées pour moi? Oui. Vous devez souffrir beaucoup, hein? Je souffre. Parce que moi, je suis pas toujours gentil avec vous. J'aime mieux souffrir avec toi que d'être heureux avec une autre. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Did I suddenly see you? Ooh, did I tell you I need you? Every single day of my life. You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. You were meant to be near me, ooh, and I want you to hear me say we'll be together every day. How to get you into my life? What can I do, what can I be when I'm with you? I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave, and if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? Got to get you into my life. We'll be right back. Ma personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.